Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169. 418-679-0900. Amis chasseurs, c'est le grand temps de se préparer pour la saison qui s'en vient. Chez Dolbo Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière. Notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbo Oxygène, 303 8e Avenue, Dolbo-Mistassini. 418-276-0555. 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbo Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler de chasse avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Hey, bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Claude, avant de parler de chasse, t'as-tu vu dans le Journal de Québec le thon? Il y a un thon en Gaspésie, un gars qui a pogné un thon de 500 livres. Puis toi, tu me disais avant de rentrer en onde que ton père a déjà pogné un thon de 650 livres? 647 livres, oui. 647 livres. Hey, ça doit être tiré en tabarouette. Mais écoute, on parle de 90 minutes à sortir de l'eau, là. Tu sais, c'est des poissons qui sont excessivement puissants. Okay. C'est des poissons, premièrement, ça rapporte, imagine-toi un thon de 500 livres, comment ça rapporte d'argent. Parce qu'il y a des émissions américaines où, en réalité, les gars pêchent ça. Et quand ils pognent des thons de 150, 200 livres, là, c'est des thons qui représentent 5 à 10 000 piastres à peser, ça. Là. Quand tu arrives au bar, tu commences à tailler ça. La chair est excessivement épaisse. Puis l'intérieur, les viscères prennent pas nécessairement tant de place. Fait que le volume de chair vendable est extraordinaire. Okay. Et quand on regarde comment ça coûte cher du thon, tu sais, le thon en boîte, la boîte n'est pas grosse pour la quantité de thon qu'il y a dedans. Là. Ouais. Fait que le thon, c'est hyper rentable. Puis c'est des poissons normaux qui commencent. Écoute, on a déjà pogné des requins blancs alentour de des îles de la Madeleine. Il y en a dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, moi, ça ne m'étonnait pas qu'on ramasse du poisson comme ça, comme on va avoir du très, très, très gros bar rayé qui va de plus en plus monter de la côte américaine vers les côtes de la Gaspésie. On en prend de plus en plus. Et on va finir par avoir des records. Je te dis pas aussi gros que ça. Ouais. Même dans le bar rayé, on va avoir des gros records. Mais c'est un beau poisson, 500 livres. Mais tu pêches avec des grosses cannes à pêche. Comment ça fonctionne, en fait? Ouais, on pêche avec des cannes. Tu sais, premièrement, on est comme assis dans une chaise de barbier. Okay. Moi, je l'ai pratiqué plusieurs fois. J'ai mon plus gros poisson à vie, c'était un requin marteau de 344 livres. Et tabarouette. Il était assis comme dans une grosse chaise de barbier. Tu es attaché sur cette chaise-là par des grosses ganses, comme si tu étais attaché dans un automobile. Mais tu vas en avoir par-dessus les deux épaules pour pas qu'il te tire à l'eau. Ta canne est prise, le bas de la canne est pris dans un genre de gros tuyau de métal au bas de la chaise. Fait qu'il peut pas arracher la chaise. Tu sais, aller jusque-là, il peut pas arracher la chaise. Ça va casser avant. Et la canne va être la grosseur, je te dirais, la base de la canne, à peu près la grosseur d'un poignet d'homme normal. Et le bout en haut, je te dirais, la grosseur d'un gros cigare. OK. Donc, c'est des grosses cannes, excessivement rigides, en fibre de verre ou en carbone, avec des lignes ou d'acier, ou un filament excessivement gros. Mmh. Et, bien sûr, dans ces cas de poissons-là, on appelle ça pêcher au cerf-volant, parce qu'il accroche un cerf-volant, il y a une ligne spéciale, un petit accroche qui est cerf-volant, et là, tu accroches ta ligne principale après un genre d'épingle à linge, puis il lance le cerf-volant dans les airs. Okay. Et là, plus le cerf-volant monte en haut, plus toi, tu donnes la ligne avec ta propre canne à pêche, et le leurre qui est au bout est un poisson qu'on appelle un jack, et tu t'essayes toujours de garder ton poisson au-dessus de l'eau. Donc, même avec des longues vues, le gars va dire ton cerf-volant est en l'air, mais ton poisson, il flotte à la surface de l'eau à peut-être presque un kilomètre derrière le bateau. Okay. Il est comme un poisson blessé à la surface, et les poissons, l'espadon ou les autres poissons vont venir chercher ça à la surface, et quand il le prend, il décroche d'après le cerf-volant, et là, ils vont rentrer le cerf-volant tout seul, et là, tu t'engages pour un combat de 60-90 minutes. Et ils vont mettre de l'eau régulièrement dans ton moulinet, pendant que tu vas mouliner, pour être sûr que le fil ne chauffe pas et il ne casse pas. Et tu vas ramener ces poissons-là jusqu'au bord. C'est-tu bon? C'est-à-dire que le thon, oui. L'espadon, on le mange pas. On le garde simplement pour faire naturaliser. Le requin, ils vont le ramener au bord. Ils vont vendre les ailerons. C'est les ailerons de requin qui ont la plus grande valeur. OK. Puis ça, c'est très, très. C'est très. Ça se fait dans les tournois de pêche. Et puis tu me dis qu'il y a beaucoup pas d'argent. Les tournois, même pas. Tu vas en Floride. Toutes les fois que je vais en Floride ou je vais dans les îles, je me paye toujours une journée de pêche où on va aller pêcher ce qu'on appelle du grouper. C'est un gros poisson. Tu vas aller pêcher du dolphin, mais pas le dauphin qu'on connaît. Ça s'appelle du dolphin. C'est un poisson avec une tête plate comme un bulldog. Un beau poisson plein de couleurs. On va aller pêcher vraiment beaucoup d'espèces en mer. On va pêcher le barracuda. J'ai pêché à mouche dans les Keys en Floride, à Key West, pour aller pêcher le bonefish. Donc, les gens qui vont en voyage peuvent se payer une petite journée qui va coûter à peu près 250$. Puis, tu vas ramasser des beaux poissons comme ça. Puis, c'est tous des poissons qui sont bons à manger tout le temps. OK. Donc, c'est ça. Hey, on revient à chasse. Tu veux me parler des odeurs? Bien, c'est-à-dire que ça aussi, c'est vraiment important. Au moment où on se parle, là, les gens vont aller dans le bois, comme je t'expliquais la semaine passée, pour aller mettre peut-être du soufre ou d'autres produits à leur saline qu'ils ont laissé pendant tout l'été. Là, il faut qu'ils fassent vraiment attention à leur odeur quand ils vont se promener dans le bois. Et toutes les compagnies qu'on connaît sur le marché ont des tampons qu'on va mettre à la bois. Dans ces tampons-là, on va justement mettre certaines odeurs. Okay. Le gros danger, c'est que les gens qui s'en vont mettre, par exemple, de l'odeur de renard ou de moufette, quand on s'en va dans le bois, toi et moi, même si tu y vas pas souvent, même si tu es un gars de hockey, là, de temps en temps, tu vas faire un tour dans le bois, vous êtes dedans. Ouais. Donc, dans le bois, ça sent de moufette, ça sent de renard. Oui. Ça sent le feuillage qui pourrit. C'est ça que ça sent. Ouais. Donc, les gens qui vont aller mettre de la moufette à outrance ou d'odeur de renard pour camoufler leur odeur, ils font complètement par erreur parce que c'est pas les odeurs que tu as. Tu as une odeur qui s'appelle odeur de terre que tu peux mettre soit sur des tampons. Si quelqu'un dit, moi, je veux pas acheter rien, fait qu'on achète des tampons sanitaires sans odeur. On va mettre de l'odeur de terre, on va accrocher ça près nos bottes, puis on va se promener jusqu'à notre cache, puis on va faire des genres de sentiers d'odeur. Okay. Ou encore, on va camoufler notre odeur avec ça, mais il faut faire vraiment attention. Okay. Le linge qu'on va emmener dans le bois, on le met pas dans le tour quand on fume la cigarette ou le cigare. On l'amène pas dans le chalet avec des odeurs de bacon. On essaie de garder ça dans un coffre neutre. On met pas de feuilles de bande qui sentent bon, là. Ouais. On met ça neutre, on met ça dans un coffre. On met ça dans la boîte du pick-up, on laisse ça là tout le temps. Quand on vient pour le mettre, il est froid un peu, mais il finit par se réchauffer. Et tu fais attention vraiment aux odeurs que tu vas faire. Tu le laves pas dans la machine avec d'autres vêtements, avec du savon qui sentent. Le gibier est vraiment très, il perçoit les odeurs d'une façon incroyable. Il faut vraiment faire attention. Donc, toujours, je le mentionne, en arrière des oreilles, par l'arrière du cou, c'est des endroits qu'on dégage le plus d'odeurs possible. Donc, l'odeur de terre est vraiment l'odeur à utiliser. OK. Donc, puis dans le temps des. Puis en début de chasse de même, il y a aussi. Ben ça, on va en reparler d'ailleurs. Là, c'est de sortir le plus vite possible. Ça, je m'imagine que ça va être une chronique qu'on va parler éventuellement, ça. Oui, absolument. On va parler, la semaine prochaine, on va parler comment qu'on garde notre viande par des températures chaudes. Ouais. Donc, quand la chasse va ouvrir, là, on va avoir le même problème depuis les dernières années. On va faire attention, on va préserver notre viande, puis je vais vous expliquer comment faire. Mais pour le moment, si vous allez à vos caches, faites attention aux odeurs que vous laissez. Surtout, n'allez pas uriner dans votre territoire. Si vous allez à quelque part, transportez-vous un galon de lave-vite. Dans ça, mettez-y de la farine. Et si vous avez uriné, urinez là-dedans. Okay. La farine va être neutralisant, va empêcher, ça va faire une boulette, vous allez pouvoir jeter ça quand vous allez ressortir. Et ça, ben, ça essaye d'avoir les odeurs. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, faites attention si vous allez à votre cache, ne laissez pas d'odeurs sur votre chemin. OK. On se reparle vendredi prochain. Merci, mon ami, c'est avec plaisir. C'est la chronique de chasse de Claude Roy.